C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est une table ronde sur l'avenir du hockey senior en région et en province. On sait que la Ligue nord-américaine de hockey, il y a plusieurs. On est rendu avec. On parle de 2 à 3 équipes d'expansion. Et il y a également la Ligue senior du Lac aux Fleurs qui va très bien. Et il y a la Ligue de la Mauricie. Gilles Péloquin parle souvent de la Ligue de la Mauricie. Et j'ai décidé de réunir deux personnes qui connaissent très bien le hockey senior. D'abord, notre collaborateur Michel Tifot à CKJ. Salut Michel. Michel qui a déjà eu quand même quelques équipes seniors. Il a été actionnaire d'une équipe à Jonquière, de la Ligue nord-américaine. Donc, c'est un gars qui se connaît pas mal. Et un autre qui se connaît pas mal, c'est Michel Tassé de la Voix de l'Est, qui couvre les activités de la Ligue de la Mauricie. Une ligue qui va quand même très, très bien. Salut Michel. Salut Danny. Salut Michel. On va commencer avec Michel Tifot. Michel, comment tu vois ça, l'avenir du hockey senior? On sait que là, dans notre coin, on parle beaucoup de Robert Val. J'y crois pas du tout. Également, Jonquière, c'est quand même positif, mais ils ne vivent pas sur l'or. Comment tu vois ça, l'avenir du senior un peu partout dans la région? Ben, pour avoir discuté avec le maire de Montréal, dans mon opinion, cette semaine, il ferme pas la porte ouais. à l'équipe de la Ligue nord-américaine ou la Tangent. Là où je me questionne, je dis souvent dans mon émission, je suis d'accord avec l'expansion, mais il ne faut pas aller trop vite. Au moment donné, là, on partait de 10 pour monter à 10 équipes, il y a 8 équipes. Mais, je pense d'abord et avant tout, il faut consolider ce qu'on a. On a une équipe qui est en branlante sur les Trois-Rivières, on ne sait pas s'ils vont déménager, s'ils vont rester là. Partout dans la ville, les habitants sont à la baisse. Nous, à Jonquière, l'an dernier, on souhaite dans 1800 spectateurs. Cette année, on s'abuse à une baisse de 500 spectateurs. Ouais. L'équipe de Jonquière est en danger. Là. Mais avant d'entrer 3-4 nouvelles franchises, je sais qu'il y a un groupe à Berlin aux États-Unis qui est intéressé. On a parlé de Wendy, on a parlé d'une équipe dans le secteur de Québec, question de Robert Val. Avant d'entrer 3-4 nouvelles franchises, il faut constituer ce qu'on a. Être sûr et certain qu'on a décidé d'en tenter à 6, à 7 ou à 8 équipes. Avant de sauter 8 équipes, là, c'est bien beau mettre des concessions, puis c'est, mais faut que tu assures la pérennité aussi. Michel Tassé de la Voix de l'Est, toi, écoute, on s'était parlé l'année passée parce que la Ligue avait comme implosé. Cette année, il y a des nouveaux propriétaires. On a réuni finalement, c'est les propriétaires ou les gouverneurs d'équipe qui sont propriétaires de la Ligue. Comment ça va ça, avec la nouvelle formule cette année? Ouais. Au sens où on l'entend, là, où est-ce que ça se va, que plusieurs accords par marché, qu'il y a des spécialistes, des gars qui sont juste là pour faire ça. Et je pense que cette ligue-là, présentement, remplit bien son rôle à ce niveau-là. La ligue va plutôt bien. Les assistantes, évidemment, là, il faut vraiment se pointer dans les arénas pour voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que les assistantes sont tenues plus ou moins secrètes à travers la ligue. Mais la ligue fonctionne plutôt bien. Moi, dans mon coin, Waterloo, on parle d'une équipe qui attire régulièrement plus de 700-800 personnes par match. De d'autres endroits où est-ce que ça fonctionne très bien. On n'a pas vraiment d'écho d'équipes qui sont véritablement en difficulté. Alors, la première année de la nouvelle Ligue senior 3 du Québec, je pense que de façon générale, ça a été plutôt positif. Et puis, il y a 10 concessions. Les 10 devraient revenir la saison prochaine. Ça va plutôt bien, de ce côté. Mais Michel Tifot, est-ce que... Si je peux rajouter quelque chose, là, ce qui nuit à la Ligue nord-américaine, c'est des salaires qui sont quand même, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, là, des salaires qui sont plus élevés. Michel vient de parler de la Ligue, de votre Ligue de hockey. Nous autres, on a une nouvelle Ligue aussi, du Lac aux Fjords, où il n'y a pas de salaire. Ouais. Et dans la Ligue nord-américaine de hockey, les salaires sont quand même importants. Dans le cas de Jonquière, par exemple, trois quarts d'équipe viennent de l'extérieur. Alors, en plus des salaires, il y a des grosses dépenses à payer. Alors, ça, c'est pas évident pour le budget des équipes. Ça, c'est absolument vrai, Michel, et c'est pourquoi arrive la difficulté qu'on a dans la Ligue nord-américaine, c'est que tu peux pas implanter des concessions n'importe où. Ben non, parce c'est ça. Ça te prend un minimum de 1 000 à 1 200 personnes au moins par match pour au moins survivre. Alors, c'est pas, quand tu regardes la carte du Québec présentement, là, les marchés intéressants potentiels, il n'y en a pas 25 là, qui peuvent accueillir une nouvelle équipe de la Ligue nord-américaine. Et là, on a 6 équipes. Trois-Rivières, on s'entend que Écoute, moi, Michel et Danny, moi, Trois-Rivières dans ma tête, pour la Ligue nord-américaine, je pense que c'est pas un marché brûlé, c'est un marché archi-brûlé. Il reste juste les fans. Archi-brûlé, d'accord avec toi, Michel. D'accord je pense avec toi. Qu'on aura beau avoir un nouveau propriétaire à tous les ans pendant 10 ans, je pense qu'on aurait le meilleur propriétaire de hockey du monde. Je pense que c'est fini, c'est brûlé, ça marchera pas. Et d'ailleurs, Michel, là, toi, ça fait encore plus longtemps que moi que tu fais le métier, là, que t'es journaliste. La dernière fois, là, que le hockey a véritablement fonctionné à Trois-Rivières, là, est-ce que je me trompe ou c'est les draveurs de Michel Bergeron? Faut se retourner dans ces années-là. Ouais, effectivement. Et là, ça fait 40 ans de ça, là. Ça commence à faire loin, là. Et là, on construit un nouvel amphithéâtre à Trois-Rivières. Pour quel calibre de hockey? Ben oui, ça c'est une bonne question. Ouais. Là, on parle de East Coast. Ça semble de plus en plus certain que ça semble à East Coast. Le maire de Trois-Rivières a parlé la semaine passée que les ondes de Cogeco à Trois-Rivières, il a confirmé qu'il y avait eu des discussions préliminaires. Ce serait la filiale du Canadien qui s'en irait là, la filiale du Rocket de Laval. Mais ce qu'on dit... Moi, je pense, messieurs, pour finir avec Trois-Rivières, je pense que n'importe quel calibre de hockey à Trois-Rivières a plus de chances de fonctionner que la Ligue nord-américaine. Je pense à un club junior B, ça va pogner plus la Ligue nord-américaine. C'est pas contre la Ligue nord-américaine. Il n'y aura pas de junior majeur. À Trois-Rivières, il n'y aura pas de junior majeur. On va s'appuyer sur quoi? J'ai parlé avec Martin Mondou la semaine dernière. J'ai appelé Cataracte de Trois-Rivières pour autoriser une nouvelle franchise à Trois-Rivières dans le junior majeur. Mais moi, ce qu'on me dit pour finir pour Trois-Rivières, c'est que je collabore avec une station de la Mauricie Claude Boucher qui me disait qu'à Trois-Rivières, la Ligue, et tout ça, tu vas me corriger, M. Tassé, si j'ai raison, la petite Ligue à Mauricie, Senior 3, fonctionne plus que la Ligue nord-américaine, puis il m'a dit, c'est les bagarres. Est-ce que c'est... Ah, oui, puis il y a plein, Trois-Rivières est entouré d'équipes de la Ligue Senior 3. Bon, il y a Louisville, il y a le Cap-la-Madeleine, il y en a plein, effectivement, particulièrement dans cette région-là du Québec. On aime ça quand ça brasse, puis on va au hockey senior parce que ça brasse, puis on aime ça comme ça. La Ligue nord-américaine, c'est en train véritablement de devenir un autre produit. Mais c'est ça. Moi, Trois-Rivières, là, dans la LNH, j'y crois plus du tout d'aucune façon. Michel Tifaut, est-ce que l'avenir du senior passe par les petites ligues? Les petites ligues comme la Ligue du Lac au Fleuve, comme la Ligue parce que moi j'écoute Richard Martel, c'est correct là, puis mais Richard, moi je l'ai dit, on va trop vite dans le dossier de l'expansion là. Est-ce que si je peux ajouter quelque chose, Danny, Michel, il faut qu'on perde notre Ligue nord-américaine d'hockey. On n'a jamais c'est aussi élevé, aussi parce qu'on est en train de calibre de quelque chose de bien intéressant côté calibre, là. C'est intéressant de garder un match dans cette ligue-là, là. C'est pas gênant du tout. Non, moi aussi, comme je disais tantôt, moi je pense que le hockey senior tough aura toujours sa place au Québec, mais je pense qu'il y a aussi une place pour du hockey senior un peu plus raffiné, un peu plus relevé, puis la Ligue américaine est là pour répondre à ce besoin-là. Si vous permettez, les gars, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, là. C'est le portefeuille de l'amateur d'hockey. Ouais. Nous aussi, au Saguenay, je vais donner l'exemple de Saguenay, là. On a une équipe junior majeure, on a une équipe de la Ligue nord-américaine, on a une équipe Midget 3A, qui est junior régionale, qui est la Ligue senior, qui est la Confiard. Ça, c'est juste au niveau du hockey, là. Il y a d'autres disciplines, il n'y a pas juste le hockey dans la vie, là. Non, ça, c'est clair. L'amateur de sport, il y a le foie. Alors, c'est pour ça que le vendredi soir, il n'y a pas toujours 3000 personnes au centre des Idas, quand c'est ouvert. Là. Ça coûte combien, Michel, un match des Marquis? Ça coûte combien, un vieux match? C'est 17 $. Et ça, tu rajoutes les Canadiens qui sont tous les soirs aussi. C'est-à-dire que le vendredi, tu vas au Saguenay, le samedi, tu vas au Palais des Sports, c'est 35-40 $. Là, t'as pas mangé d'hot dog, t'as pas pris hier. Le meilleur 3A, c'est un autre équilibre, on s'entend. Si vous devez garder les enfants et puis tout le reste, là. Les enfants, oui, tu dépenses 100$, c'est pas long, là. Non, c'est clair. Le Seigneur 3A dans le coin ici, le Waterloo, tout ça, c'est 8$ le billet. Est-ce que Michel Tassé, est-ce que la Ligue, Michel Tassé, est-ce que les joueurs sont payés dans votre ligue? Oui, les joueurs sont payés, mais comme disait Michel tantôt, on parle pas des mêmes salaires que dans la Ligue nord-américaine. Je pense que ça varie ici n'importe quoi, là, pour un joueur de quatrième trio de 50 $ par match, ça peut monter peut-être jusqu'à 300. Pour un joueur étoile, 250-300. Mais on parle pas de plus que ça. Ça, c'est clair. OK. Michel Tifo, la Ligue comme telle, la Ligue nord-américaine de hockey, t'es vraiment, là, tu étais actionnaire là-dedans, tu en as perdu de l'argent, tu sais de quoi tu parles. Comment tu vois à Robertval, comment tu vois ça? Ça va être difficile, hein? Parce que c'est 250 000 par année de commandites qu'on va chercher la traversée internationale du lac Saint-Jean, puis ça ratisse beaucoup plus large, puis on a de la difficulté. Là, tu rajoutes au moins 200 000. Ça va être difficile pour Robertval, si jamais on... Non, ça, je l'avoue, là, pour Robertval, ce sera pas facile. Puis en plus, ben, il faut que la cabane soit pleine partie, là. Ça prend une moyenne de 1000 spectateurs. Ça veut dire qu'un soir de tempête, ou un soir où il fait moins 30 degrés, puis il y a juste 700 personnes dans l'aréna, là, c'est déjà moins 300. Si l'équipe connaît pas des bons succès sur la glace, est-ce qu'il va toujours avoir pris le spectateur? Ce sont des ligues qui sont fragiles, faut bien l'avouer, là. La Ligue junior majeure du Québec, on en parle souvent. Ils sont riches, là. Gilles Courteau, il y en a de l'argent dans les coffres. Je suis pas certain qu'ils sortent partir le ben de l'argent dans les coffres de la Ligue nord-américaine de hockey. Et c'est la même chose pour le... On a une nouvelle Ligue de hockey, nous autres, du lac Confiard. Puis même vous autres, Michel Tassé, dans votre coin, vous avez une Ligue de hockey. Vous n'avez sûrement pas 700 000 $ dans les coffres au cas où il arrive un problème. Non, non, absolument pas. C'est géré un peu, là. Si je regarde ici à Waterloo, là, l'équipe tout près, c'est géré un petit peu à la petite semaine, là. C'est sûr que un mauvais samedi soir à un moment donné, un soir de tempête où il fait moins 30, comme tu disais tantôt, qu'on descend à 400 personnes. Est-ce que ce serait pensable, Michel Tassé, de faire tout ce qui s'appelle senior se parle, que, un exemple, les ligues seniors, comme la Ligue Lac-au-Fleuve, la Ligue, deviennent comme une espèce de club ferme à la Ligue nord-américaine? Ce serait-tu pensable ou il y a trop de rivalité pour ça? Ben, peut-être, mais il y a déjà Michel et Danny, un bon nombre de joueurs qui vont se promener entre les deux ligues. Il y a eu des joueurs aussi cet hiver à Waterloo, l'équipe plus proche qui... Le vendredi, ils jouaient à Sorel ou à Trois-Rivières, puis samedi, ils venaient jouer avec leur équipe régulière, entre guillemets, à Waterloo. Sans que ça soit un système officiel de club ferme, c'est accepté dans la Ligue senior 3 du Québec qu'il y a des joueurs qui visent à monter dans la Ligue nord-américaine et qui vont se promener un petit peu entre les deux ligues. Mais de là à ce que ça devienne vraiment une formule officielle, je crois pas vraiment à ça, parce qu'il y a quand même une différence de mentalité, là. Puis il y a une petite rivalité aussi entre les deux. Ben, messieurs! Est-ce que je peux revenir deux secondes sur ce que Michel disait tantôt par rapport à solidifier les concessions actuelles? Moi, j'ai l'impression, Michel, que arriver, mettons, avec deux nouvelles équipes, faut choisir les bons endroits, là, c'est clair. Ça pourrait pas donner un nouveau souffle à la Ligue nord-américaine. Ça pourrait pas faire en sorte que les gens, ça serait différent de toujours voir Saint-Georges, peut-être peur de toutes les fins de semaine. Tu penses pas, ça? Ah oui, mais faut choisir les bons endroits, par exemple. Ouais. Ben. D'ailleurs, les Marquis ont été victimes de cet horaire-là compliqué, où au début de la saison, on jouait tout le temps contre Trois-Rivières. Puis là, depuis un bout de temps, c'est toujours Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Ça fait un horaire... Ouais, effectivement. Les gens n'y trouvent pas leur compte. Messieurs, très intéressant. Ça nous fait plaisir. Michel Tifo, on se parle sur les ondes de CKJ. Michel Tassé, on s'en parle de temps à autre. Ben, merci, messieurs. C'était bien le fun ce matin. Michel Tassé du journal Voix de l'Est et Michel Tifo de CKJ. Salut, Michel. Salut, Danny.